Au sport, le 9 décembre, dans la Ligue de basketball benjamin masculine division 3, Louis Saint-Laurent visite Alexander Gold à 17h.